Quelque âpreté que Madame Vauquer mit à ses recherches, elle ne put obtenir aucun renseignement dans Paris sur la comtesse de Lambert-Mesnil. Elle parlait souvent de cette déplorable affaire en se plaignant de son trop de confiance, quoiqu'elle fût plus méfiante que ne l'est une chatte. Mais elle ressemblait à beaucoup de personnes qui se défient de leurs proches et se livrent au premier venu. Fait moral, bizarre, mais vrai, dont la racine est facile à trouver dans le cœur humain. Peut-être certaines gens n'ont-ils plus rien à gagner auprès des personnes avec lesquelles ils vivent. Après leur avoir montré le vide de leur âme, ils se sentent secrètement jugés par elles, avec une sévérité méritée. Mais, éprouvant un invincible besoin de flatterie qui leur manque, ou dévorés par l'envie de paraître posséder les qualités qu'ils n'ont pas, ils espèrent surprendre l'estime ou le cœur de ceux qui leur sont étrangers, au risque d'en déchoir un jour. Enfin, il est des individus, nés mercenaires, qui ne font aucun bien à leurs amis ou à leurs proches parce qu'ils le doivent. Tandis qu'en rendant service à des inconnus, ils en recueillent un gain d'amour-propre. Plus le cercle de leur affection est près d'eux, moins ils aiment. Plus il s'étend, plus serviables ils sont. Madame Vauquer tenait sans doute de ces deux natures, essentiellement mesquines, fausses, exécrables. « Si j'avais été ici, lui disait alors Vautrin, ce malheur ne vous serait pas arrivé. Je vous aurais joliment dévisagé cette farceuse-là. Je connais leur frimousse. »